fin de l'été. Il restera sur cette plage un chant d'amour, un chant d'été. Fin de l'été, si ton cœur est toujours pareil, moi je saurai encore t'aimer comme aujourd'hui sous le soleil où nous avons tout partagé. Tes yeux me demandent déjà si notre amour ne durera. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, je t'offrirai un ciel nouveau. Car je voudrais tant retrouver l'envie de tes mains sur ma peau que je ne peux pas. Demande déjà si notre amour ne durera qu'un seul été. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, il restera.